Dossier 1. Livre, page 11. Question A. 1. Mon père m'a acheté un nouveau téléphone. Tu sais que c'est défendu d'utiliser le portable en classe. 2. Je peux fermer la fenêtre, il y a beaucoup de bruit. Bien sûr. 3. Madame, on peut entrer dans la bibliothèque? Certainement, mais vous n'avez pas le droit de manger. Il est interdit de manger dans la bibliothèque. 4. Je peux sortir pour boire de l'eau, madame? Oui, vas-y.